Section 16 de Les Natchez par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Deuxième partie, suite. Le lendemain du mariage de l'héroïque amie et de la courageuse amie de René, le jour même où Mila, toute brillante de ses félicités, conversait avec Outougamiz sur une natte semée de fleurs, Andouré entra dans la cabane. « Mauvais esprit ! S'écria Mila. « Que viens-tu faire ici? Viens-tu nous porter malheur ?» Andouré, affectant un sourire ironique, s'assit à terre et dit « Outougamiz, je viens t'offrir les vœux que je fais pour toi. Tu méritais d'être heureux. »« Heureux ?» repartit Outougamiz. « Et quel homme l'est plus que moi? Où pourrais-tu rien trouver de comparable à ma femme et à mon ami ?»« Je ne veux point détruire tes illusions, » dit Andouré d'un air attristé. « Mais si tu savais ce que la nation sait, quel méchant Manitou t'a lié avec cette chair blanche !»« Tuteur du soleil, » répliqua Outougamiz rougissant, « je te respecte, mais ne calomnie pas, mon ami. Il vaudrait mieux pour toi que tu n'eusses jamais existé. » Andouré repartit. « Admirable jeune homme, que n'as-tu trouvé une amitié digne de la tienne ?»« Chef, » s'écria Outougamiz avec l'accent de l'impatience, « tu me tourmentes comme le vent qui agite la flamme du bûcher. Qu'y a-t-il? Que veux-tu? Que cherches-tu ?» « Oh, patrie, patrie !» dit avec un soupir Andouré. Au mot de patrie, les yeux d'Outougamiz se troublent. Il se lève précipitamment de sa natte et s'approche d'Andouré, qui s'était levé à son tour. La crainte de quelque affreux secret avait passé à travers le cœur du frère de Tchelouta. « Qu'y a-t-il donc dans la patrie ? » dit le noble sauvage. « Faut-il prendre les armes ? Marchons, où sont les ennemis ?»« Les ennemis, » dit Andouré, « ils sont dans nos entrailles. » Nous étions vendus, livrés comme des esclaves. Un traître, nomme-le, s'écria Outougamiz d'une voix où mille sentiments contraires avaient mêlé leurs accents. Nomme-le, mais prends garde à ce que tu vas dire. Andouré observe Outougamiz dont les mains tremblaient de colère. Il saisit le bras du jeune homme pour prévenir le premier coup. Il s'écrie « René !»« Tu mens !» réplique Outougamiz, cherchant à dégager son bras. « Je t'arracherai ta langue infernale, je ferai de toi un mémorable exemple. » Mila se jette entre les deux guerriers. « Laisse vivre ce misérable, » dit-elle à Outougamiz. « Chasse-le seulement de ta cabane. » À la voix de Mila, les transports d'Outougamiz s'apaisent. « Tuteur du soleil, » dit-il, « je le vois à présent. Tu te voulais amuser de ma simplicité, mais ne renouvelle pas ces jeux. Cela me fait trop de mal. » « Je te quitte, » dit Andouré. « Bientôt tu me rendras plus de justice. » « Interroge le prêtre du soleil et ton oncle Adario. » Andouré sort de la cabane. Outougamiz veut paraître tranquille, il ne l'est plus. Il veut se reposer, il ne sait comment les joncs de sa natte sont plus piquants que les épines de l'acacia. Il se relève, marche, s'assied de nouveau. Mila lui parle et il ne l'entend pas. « Pourquoi » murmurait-il à voix basse. « Pourquoi ce chef a-t-il parlé? J'étais si heureux. » « N'y pense plus, » lui dit Mila. Les paroles du méchant sont comme le sable qu'un vent brûlant chasse au visage. Il aveugle et fait pleurer le voyageur. « Tu as raison, Mila, » s'écrie Outougamiz. « Me voilà bien tranquille à présent. » « Infortuné, le coup mortel est frappé. Tu ne trouveras plus le repos. Ton sommeil, naguère léger comme ton innocence, se va charger de songes funestes. Tel est le bonheur des hommes. Un mot suffit pour le détruire. Douce confiance de l'âme. Union intime et sacrée, adieu pour toujours. Sainte amitié, elles sont passées, tes délices, tes tourments commencent. Finiront-ils jamais ? Mila, dit Outougamiz, je me sens malade, je veux aller voir le jongleur. Le jongleur, repartit Mila, ne va pas voir cet homme-là. René t'aime, tu l'aimes, il te doit suffire, comme tu me suffis. Si la colombe prête l'oreille à la voix de la corneille, celle-ci lui dira des choses qui la troubleront, parce qu'elle ne parle pas son langage. « Ce n'est pas pour parler de René que je veux voir le jongleur, » dit Outougamiz. « Je suis malade, il me guérira. » Mila posa la main sur le cœur d'Outougamiz et dit à son époux, en le regardant avec un demi-sourire, « Malade, oui, bien malade, puisqu'un mensonge vient de sortir de tes lèvres. » Outougamiz s'obstina à vouloir consulter le jongleur qu'Andouré lui avait exprès nommé dans ses révélations mystérieuses. « Va donc, » dit Mila, pauvre abeille de la savane, « mais évite de te reposer sur la fleur empoisonnée de la cota. » L'homme ne peut être parfait. Aux qualités les plus héroïques, Outougamiz mêlait une faiblesse. De la crainte de Dieu, crainte salutaire sans laquelle il n'y a point de vertu, Outougamiz était descendu jusqu'à la plus aveugle crédulité. La simplicité de son caractère le rendait facile à tromper. Un prêtre était pour le frère de Chelouta un oracle. Et si ce ministre du grand esprit parlait au nom de la patrie si chère aux sauvages, quel moyen pour Outougamiz d'échapper à ce double pouvoir de la terre et du ciel? L'ami de René arrive à la porte de la cabane du jongleur. Dans ce moment même, Ondouré sortait de la demeure du prêtre et, avec un regard qui disait tout, il laissa le passage libre à l'ami de René. Le jongleur, apercevant Outougamiz, se mit à tracer des cercles magiques. Outougamiz élève vers lui une voix suppliante. « Qui parle ?» s'écrie le prêtre d'un air égaré. « Quel audacieux mortel trouble l'interprète des génies ? Fuyez, profane ! La patrie demande seule mes prières. Oh, patrie, tu nourrissais un monstre dans ton sein !» L'infâme étranger méditait ta ruine. Par lui, les femelles des castors ont été massacrées. Il trahissait Chelouta. Il versait sur la tête de son enfant l'eau mortelle du maléfice. Comme il trompait ce jeune et innocent Outougamiz. Malheur à toi, époux de Mila, si désormais tu ne te séparais de ce traître, si tu refusais de croire à ses crimes. Les fantômes s'attacheraient à tes pas, et les os de tes aïeux s'agiteraient dans leur tombe. Le jongleur bondit hors de sa cabane et se jeta dans une forêt où l'on entendit pousser des hurlements. Le frère de Chelouta demeure anéanti. Une sueur froide qu'il croit sentir découler de son cœur et pénétrer à travers ses membres l'inonde. Il faudrait avoir fait les prodiges d'amitié d'Outougamiz pour pouvoir peindre sa douleur. René, un traître, lui, qu'il ose ainsi calomnier. Où est-il le calomniateur qu'Outougamiz le puisse dévorer? Mais n'est-ce pas le prêtre du soleil, celui qui commerce avec les esprits, celui qui parle au nom de la patrie? Malheureux, tu ne crois pas quand le ciel même t'ordonne de croire? Non, cet ami n'est point coupable. Des monstres seuls ont élevé la voix contre lui. Le frère de Chelouta vengera René aux yeux de la nation. L'éloquence descendra sur les lèvres d'Outougamiz. Il s'exprimera mieux que Chactas. Il proposera de combattre les accusateurs. Je pars, je vole où m'appelle le Manitou d'or. Insensé, n'entends-tu pas le cri des fantômes? Ne vois-tu pas se lever les os de tes pères qui viennent témoigner des crimes de ton ami? Telle est la faible peinture des combats qui se passaient dans l'âme du frère de Chelouta. Il quitte la cabane du jongleur. Lent et pâle, il se traîne sur la terre. Il croit ouïr des bruits dans l'air et l'herbe murmurer sous ses pas. Où va-t-il? Il l'ignore. Quelque chose de fatal le pousse involontairement vers Adario. Adario est son oncle. Adario lui tient lieu de père. Adario, en l'absence de Chactas, est le premier sachem de la nation. Enfin, Adario est le plus affligé des hommes. Le malheur est aussi une religion. Il doit être consulté. Il rend des oracles. La voix de l'infortune est celle de la vérité. Voilà ce que se disait Outougamiz en allant chercher le rigide vieillard. Le sachem avait vu tuer son fils à ses côtés et les flammes dévorer sa cabane. Le sachem avait étouffé son petit-fils de ses propres mains. La femme du sachem était tombée dans l'émeute qui suivit l'affreux sacrifice. Il ne restait de toute sa famille à Adario que la fille même dont il avait étranglé l'enfant. Renfermé, avec cette fille, dans les cachots du fort Rosalie, il avait dû terminer ses jours à un gibet. « Élève-moi bien haut, disait-il au bourreau qui le conduisait au supplice, afin que je puisse découvrir en expirant les arbres de ma patrie. » On sait pourquoi, comment, à quel prix et dans quel dessein Ondouré racheta la vie d'Adario. Ce fut un grand spectacle que le retour de l'ami de Chactas, au Natchez. Le sachem ressemblait à un squelette échappé de la tombe. Quelques cheveux gris, souillés de poussière, tombaient des deux côtés de sa tête chauve. Ses vêtements pendaient en lambeaux. Il cheminait en silence, les yeux baissés. Sa fille venait derrière lui dans le même silence, comme la victime marche après le sacrificateur. Elle portait, attachée à ses épaules, un berceau vide et les langes désormais inutiles d'un nouveau-né. Adario ne voulut point relever sa cabane. Il établit sa demeure au milieu des bois. Sa fille suivait de loin son terrible père, n'osant lui parler, veillant sur ses jours, s'asseyant quand il s'asseyait, avançant quand il poursuivait sa route. Quelquefois le sachem contemplait les Français qui labouraient les champs de sa patrie. L'ange exterminateur n'aurait pas lancé des regards plus dévorants sur un monde dont le dieu vivant aurait retiré sa main. Après la délivrance d'Adario, Honduré déroula aux yeux du vieillard le plan d'une grande vengeance. Il lui présenta pour but la liberté des Natchez et l'expulsion de la race des Blancs de tous les rivages de l'Amérique. Il lui cacha les ressorts secrets, les sentiments honteux, les mystérieuses lâchetés qui faisaient mouvoir cette conspiration. Adario n'eut jamais emprunté le voile du crime pour couvrir un seul moment la vertu. Le sachem assista au conseil secret convoqué la nuit par Honduré. Il approuva ce que le tuteur du soleil exposa de ses desseins, savoir la convocation des nations indiennes dans une assemblée générale, afin de prendre contre les étrangers une mesure commune. Il ratifia la condamnation de René qu'il croyait coupable d'impiété et de trahison. Ces résolutions adoptées, les vieillards voulurent déterminer Adario à se livrer à ses occupations ordinaires. « Tant que je respirerai, dit le sachem, je n'aurai d'abri que la voûte du ciel. Comme défenseur de la patrie, je suis innocent. Comme père, je suis criminel. Je consens à vivre encore quelques jours pour mon pays. » Mais Adario s'est réservé le droit de se punir lorsque les Natchez auront cessé d'avoir besoin de lui. C'était à ce cœur inflexible, c'était à l'homme le moins compatissant aux sentiments de la nature, à l'homme le plus aigri par le chagrin, que l'ami de René allait demander des conseils en sortant de l'audience du prêtre. Outougamis trouva le sachem à moitié nu, assis au bord d'un torrent sur la pointe d'un roc. Il lui raconte les inspirations du jongleur. Adario fait à son neveu le tableau des prétendus crimes de René. « Tu me tues comme ton fils !» s'écrie le frère de Tchelouta avec un accent dont le sachem même fut touché. Jamais le malheur ne se grava si subitement et d'une manière plus énergique sur le front d'un homme que sur celui d'Outougamis. Plus le marbre est pur, plus l'inscription est profonde. L'infortuné s'éloigne d'Adario. Il saisit la chaîne d'or, la regarde avec passion, la veut jeter dans le torrent, puis la presse contre son cœur et la suspend de nouveau sur sa poitrine. Cependant, Outougamis ignorait le sort réservé à René. Adario avait peint l'homme blanc coupable, mais il n'avait pas voulu accabler entièrement son neveu. Il s'était abstenu de l'instruire de la sentence des sachem, sentence prononcée d'ailleurs sous le sceau du secret. Le souvenir de Mila vint, comme une brise rafraîchissante, soulager un peu le brûlant chagrin d'Outougamis. Le jeune époux songe que l'épouse nouvelle, qui porte encore sur sa tête la couronne du premier matin, est déjà demeurée veuve sous son toit. Il se détermine à chercher des consolations auprès de sa compagne. Mila vole à lui. Elle s'aperçoit qu'il chancelle. Elle le soutient en disant « C'est la liane qui appuie maintenant le tulipier. Eh bien, je te l'avais prédit. Assieds-toi et repose ta tête sur mon sein. Que t'ont dit les méchants ?»« Ils m'ont répété ce que m'avait dit Honduré, » répondit Outougamis. Adario parle aussi comme le jongleur. « Quand ce serait Kitchimanitou lui-même, » s'écria Mila, « je soutiendrais qu'il fait un mensonge. Moi, je croirais aux calomnies répandues contre mon ami. Celui qui t'a donné le Manitou d'or, croirait-il le mal qu'on lui dirait de toi ?» Cette question fit monter les larmes dans les yeux d'Outougamis. Mila, pleurant à son tour, « Ah, c'est un bon guerrier que le guerrier blanc. Ils le tueront, j'en suis sûr. » « Ils le tueront ?» reprit Outougamis. « Qui t'a dit cela ?»« Je le devine, » répondit l'Indienne. « Si tu ne sauves René une troisième fois, ils le mettront dans le bocage de la mort. »« Non, non !» s'écria Outougamis. « Où j'y dormirai près de lui. Que ne suis-je déjà au lieu de mon repos ? Tout est si agité à la surface de la terre. Tout est si calme, une longueur de flèche au-dessous. Mais Mila, la patrie ?»« La patrie !» repartit Mila. Et que me fait à moi la patrie, si elle est injuste? J'aime mieux un seul cheveu d'Outougamis innocent que toutes les têtes grises des sachem pervertis. Qu'ai-je besoin d'une cabane aux Natchez? J'en puis bâtir une dans un lieu où il n'y aura personne. J'emmènerai mon mari et son ami avec moi, malgré vous tous, méchants. Voilà comme j'aurais parlé au jongleur. Il aurait fait des tours, tracé des cercles, bondi trois fois comme un orignal. J'aurais ri à sa face, joué, tourné, sauté comme lui et mieux que lui. Il y a là un génie, et elle appuyait la main sur son cœur, qui n'obéit point aux noirs enchantements. « Comme tu me consoles, comme tu parles bien !» s'écrie l'excellent sauvage. « Tu me voudrais donc suivre dans le désert ?» Mila le regarda et lui dit, C'est comme si le ruisseau disait à la fleur qu'il a détachée de son rivage et qu'il entraîne dans son cours « Fleur, veux-tu suivre mon onde ?» La fleur répondrait « Non, je ne le veux pas. » Et cependant, les flots la pousseraient doucement devant eux. L'aimable indienne avait préparé le repas du soir. Après avoir mouillé ses lèvres dans la coupe, elle retourna à ce lit nuptial non chanté qui ne tirait sa pompe que de sa simplicité et de la grâce des deux époux. Les jeunes bras de Mila bercèrent et calmèrent les chagrins d'Outougamiz comme ces légères bandes de soie qui pressent et soulagent à la fois la blessure d'un guerrier. Heure fugitive, dérobée par l'amour à la douleur, que vous deviez promptement disparaître. Déjà le conseil des Sachem avait reçu les premiers colliers de ses messagers secrets. Toutes les nuits, Ondouré rassemblait quelques-uns des chefs dans les cavernes. Le gouverneur de la Louisiane, moins facile à tromper que le commandant du fort Rosalie, ne s'endormait point au milieu des périls. Il regrettait d'avoir rendu la liberté aux frères d'Amélie, et s'il ne fit pas arrêter Tselouta, c'est qu'il se laissa fléchir aux larmes d'Adélaïde. Lorsque Tselouta apprit le départ de René, on essaya inutilement de la retenir à la Nouvelle-Orléans. En vain Adélaïde, Harley, le général d'Artaguette, le capitaine avec le grenadier était retourné au Natchez, lui représentèrent que ses forces ne suffiraient pas aux fatigues d'un si long voyage. Elle conjura sa sœur et ses frères de la chair blanche, comme elle les appelait, de la laisser reprendre le chemin de son pays. Il fallut céder à ces ardentes prières que traduisait la vieille mère de Jacques. Tselouta embrassa avec émotion cette pauvre et vénérable matrone, son hôtesse dans la nuit funeste. Mon frère et ma sœur, dit-elle à Harley et à Adélaïde, souvenez-vous de Tselouta quand vous serez au pays des Blancs. J'espère vous retrouver quelques jours dans la contrée des âmes, si l'on permet l'entrée de la belle forêt que vous habiterez à de misérables indiennes comme moi. La fille du gouverneur conduisit son amie jusqu'aux pirogues d'un grand parti de Panis qui se préparait à remonter le fleuve. Là se renouvelèrent de tendres adieux. Tselouta s'embarqua sur la flotte panisienne. « Adieu, disait-elle à Adélaïde, qui pleurait, assise au rivage. Que les bons génies vous rendent vos bienfaits. Je ne vous reverrai plus sur la terre où vous resterez longtemps après moi. Mais je tâcherai de faire le moins de mal que je pourrai dans mon rapide passage, afin de me rendre digne de votre souvenir. » Les pirogues s'éloignèrent. Lorsque Tselouta sortit de la ville des Français, son front était couvert de la pâleur des chagrins et d'une maladie cessant à peine. Sa fille, qui montrait déjà dans son regard quelque chose de la beauté et de la tristesse d'Amélie, sa fille, dont le jour natal n'avait point encore été éclairé deux fois par le soleil, semblait elle-même au moment d'expirer. Tselouta la tenait à ses épaules dans des peaux blanches d'hermine. Tel un cygne qui transporte ses petits, les place entre son cou flexible et ses ailes, un peu soulevées, les charmants passagers se jouent à demi cachés dans le duvet de leur mère. L'âme entière de Tselouta était partagée entre son enfant et son époux. Que de maux déjà passés, quels étaient ceux qui devaient naître encore? Les pirogues avaient à peine remonté le Mechasebe pendant quelques heures que les Panis, par un de ces caprices si fréquents chez les sauvages, s'arrêtèrent à la rive orientale du fleuve. Tselouta descendit à terre avec ses conducteurs. Mais ceux-ci, par un autre caprice, se dispersèrent bientôt, les uns commençant une chasse, les autres se rembarquant sans bruit. Tselouta s'était assoupi à l'écart derrière un rocher qui lui cachait le fleuve. La nuit était venue. Quand l'épouse de René se réveilla, elle était abandonnée. L'insouciance indienne l'avait délaissée, le courage indien la soutint. Elle était accoutumée à la solitude. Les ténèbres empêchaient les Panis de voir la sœur d'Outougamiz et le vent ne leur permettait pas d'entendre ses cris. Résignée, elle attendit le jour. Lorsque l'aurore parut, Tselouta sortit de l'abri du rocher, regardant les différents points du ciel, elle se dit « Mon mari est de ce côté-là », et ses pas se dirigèrent vers le septentrion. Elle n'eut pas même la pensée de retourner à la Nouvelle-Orléans, elle se trouvait plus en sûreté dans les bois que parmi les hommes. Pour sa nourriture, elle comptait sur les fruits sauvages, et son sein suffirait aux besoins de sa fille. Tout le jour elle marcha, cueillant çà et là quelques baies dans les buissons. À l'heure où la hulotte bleue commence à voltiger dans les forêts américaines, Tselouta atteignit le sommet d'une colline. Elle se détermina à passer la nuit au pied d'un tamarin dans le tronc caverneux duquel les Indiens allumaient quelquefois le feu du voyageur. Au midi, on découvrait la ville des Blancs, au couchant, le Mechasebe, Au nord, de hautes falaises où s'élevait une croix. Prenant dans ses bras la fille de l'homme des passions, Felouta lui présenta son sein, que l'enfant débile serrait à peine dans ses lèvres. Un jardinier arrose une plante qui languit, mais elle continue de dépérir, car la terre ne l'a point reçue favorablement à sa naissance. Dans son effroi maternel, Felouta n'osait regarder le tendre nourrisson, de peur d'apercevoir les progrès du mal. Ses yeux, chargés de pleurs, erraient vaguement sur les objets d'alentour. Telles furent vos douleurs dans la solitude de Bersabée, malheureuse Agar, lorsque, détournant la vue d'Ismaël, vous dites « Je ne verrai point mourir mon enfant ». La nuit fut triste et froide. Au lever du jour, après avoir fait un repas de pommes de mai et de racines de canneberge, la voyageuse, chargée de son trésor, reprit sa route. La monotonie du désert n'était interrompue que par la vue encore plus monotone de la croix. Cette croix était celle où René avait accompli un pèlerinage en descendant à la Nouvelle-Orléans. Dieu seul savait ce qu'avait demandé en secret le fervent pèlerin. Une pierre encore tachée du sang de l'homme assassiné gisait près de l'arbre expiatoire. Un torrent s'écoulait à quelque distance. La sœur de Tougamiz s'assit sur la pierre du meurtre. Elle prit involontairement dans sa main la branche de chêne que René avait déposée en ex-voto au pied du calvaire. Les regards de l'Indienne se fixaient sur le rameau desséché qu'elle balançait lentement, comme si elle eût trouvé une ressemblance de destinée entre elle et la branche flétrie. Felouta rêvait au bruit aride du vent dans le bois de la croix et dans la cime de quelques chardons qui perçaient les roches. Plusieurs fois, elle crut entendre des voix, comme si les anges de la croix et de la mort eussent conversé invisiblement dans ce lieu. L'épouse de René se hâta de quitter un monument de douleur qu'elle supposait gardé par les esprits redoutables des Européens. Le large vallon qui terminait le plateau des Bruyères la conduisit au bord d'un courant d'eau. Dans le fond de ce vallon s'élevaient de petits tertres couverts de tulipiers, de liquidambars, de cyprès, de magnolias, et autour desquels se repliait l'onde qui portait son tribut au Metchasebé. Du sein de la terre échauffée sortait le parfum de l'angélique et de différentes herbes odorantes. Attirée et presque rassurée par le charme de cette solitude, Felouta s'assied sur la mousse et prépare le banquet maternel. Elle couche Amélie sur ses genoux et déroule, l'une après l'autre, les peaux d'Hermine dont l'enfant était enveloppé. Quelques larmes tombées des yeux de la mère ranimèrent la fille souffrante, comme si cet enfant ne devait tenir la vie que de la douleur. Quand Felouta eut prodigué à sa fille ses caresses et ses soins, elle chercha pour elle-même un peu de nourriture. Les lieux où elle se trouvait avaient naguère été habités par une tribu indienne. On voyait encore dans un champ anciennement moissonné quelques rejets de maïs, et l'épi de ce blé sauvageon était rempli d'une crème onctueuse. Il servit au repas de Felouta. Vers le baisser du soleil, la sœur d'Outougamiz se retira à l'entrée d'une grotte tapissée de jasmin des Florides et environnée de buissons d'azaléa. Dans cette grotte se vint réfugier une foule de noms pareils, de cardinaux, d'oiseaux moqueurs, de perruches, de colibris, qui brillaient comme des pierreries au feu du couchant. La nuit se leva revêtue de cette beauté qu'elle n'a que dans les solitudes américaines. Le ciel étoilé était parsemé de nuages blancs, semblables à de légers flocons d'écume, ou à des troupeaux errants dans une plaine azurée. Toutes les bêtes de la création, les biches, les caribous, les bisons, les chevreuils, les orignaux, sortaient de leur retraite pour paître les savanes. Dans le lointain, on entendait les chants extraordinaires des reines, dont les unes imitant le mugissement du bœuf laboureur, les autres le tintement d'une cloche champêtre, rappelaient les scènes rustiques de l'Europe civilisée, au milieu des tableaux agrestes de l'Amérique sauvage. Les zéphyrs embaumés par les magnolias, les oiseaux cachés sous le feuillage, murmuraient d'harmonieuses plaintes que Felouta prenait pour la voix des enfants à naître. Elle croyait voir les petits génies des ombres et ceux qui président au silence des bois descendre du firmament sur les rayons de la lune, légers fantômes qui s'égaraient à travers les arbres et le long des ruisseaux. Alors elle adressait la parole à sa fille couchée sur ses genoux. Elle lui disait « Si j'avais le malheur de te perdre à présent, que deviendrais-je? Ah, si ton père m'aimait encore, je t'aurais bientôt retrouvée. Je découvrirais mon sein, j'épierais ton âme errante avec les brises de l'aube. Sur la tige humectée des fleurs, et mes lèvres te recueilleraient dans la rosée. Mais ton père s'éloigne de moi, et les âmes des enfants ne rentrent jamais dans le sein des mères qui ne sont point aimées. » L'Indienne versait, en prononçant ces mots, des larmes religieuses, semblables à un délicieux ananas qui a perdu sa couronne, et dont le cœur exposé aux pluies se fond et s'écoule en eau. Des pélicans qui volaient au haut des airs, et dont le plumage couleur de rose réfléchissait les premiers feux de l'aurore, avertirent Tchelouta qu'il était temps de reprendre sa course. Elle dépouilla d'abord son enfant pour le baigner dans une fontaine, où se désaltéraient, en allongeant la tête, des écureuils noirs accrochés à l'extrémité d'une liane flottante. La blanche et souffreteuse Amélie, couchée sur l'herbe, ressemblait à un narcisse abattu par l'orage, ou à un oiseau tombé de son nid avant d'avoir des ailes. Tchelouta enveloppa dans des mousses de cyprès plus fines que la soie sa fille purifiée. Elle n'oublia point de la parer avec des graines de différentes couleurs et des fleurs de divers parfums. Enfin, elle la renferma dans les peaux d'Hermine et la suspendit de nouveau à ses épaules par une tresse de chèvrefeuille. La pèlerine qui s'avance pieds nus dans les montagnes de Jérusalem porte ainsi les présents sacrés qu'elle doit offrir au saint tombeau. La fille de Tabamika traversa sur un pont de liane la rivière qui lui fermait le chemin. Elle avait à peine marché une heure qu'elle se trouva engagée au milieu d'un terrain coupé de flaques d'eau remplies de crocodiles. Tandis qu'elle hésite sur le parti qu'elle doit prendre, elle entend halter derrière elle. Elle tourne la tête et voit briller les yeux vitrés et sanglants d'un énorme reptile. Elle fuit, mais elle heurte du pied un autre monstre et tombe sur les écailles sonores. Le dragon rugit. Tchelouta se relève et ne sent plus le poids léger que portaient ses épaules. Elle jette un cri. Prête à être dévorée, elle n'est attentive qu'à ce qu'elle a perdu. Tout à coup, les deux monstres, dont elle sentait déjà la brûlante haleine sur ses pieds, se détournent. Ils se hâtent vers une autre proie, que les regards d'une mère sont perçants. Ils découvrent, parmi de hautes herbes, l'objet qui attire les affreux animaux. Tchelouta s'élance, saisit son enfant, et ses pas, que n'aurait point alors devancé le vol de l'hirondelle, la portent au sommet d'un promontoire, d'où l'œil suit au loin les détours du Mechasebe. Victoire d'une femme, qui dira ton orgueil et tes joies. L'astre des nuits, qui vient de dissiper dans le ciel les nuages d'une tempête, paraît moins beau que la pâle Tchelouta, triomphante au désert. Amélie avait ignoré le péril. Elle ne s'était pas même réveillée dans son lit de mousse. Sa parure conservait la fraîcheur et la symétrie. Chargée du berceau où l'innocence dormait sous des fleurs, Tchelouta avait accompli sa fuite comme l'élégante Canéphore achevait sa course, sans déranger dans sa corbeille les guirlandes et les couronnes. Mais la frayeur, qui n'avait pu troubler l'enfant, avait exercé son pouvoir sur la mère. Le sein de Tchelouta s'était tari. Ainsi, quand la terre est ébranlée par les secousses de l'Etna, disparaît une fontaine dans les champs de la Sicile, et l'agneau demande en vain l'eau salutaire à la source épuisée. Que Tchelouta manquât de nourriture pour son enfant, que son sein fût stérile quand son cœur surabondait de tendresse, voilà ce que l'Indienne ne pouvait comprendre. Elle accusait sa faiblesse, elle se reprochait jusqu'à ses douleurs, jusqu'à l'excès de sa frayeur maternelle. Elle cherchait une cause à ce châtiment du grand esprit. Elle se demandait si elle avait cessé d'être fidèle à son époux, si elle avait aimé assez sa fille, si elle avait été injuste envers ses amis, si elle avait souhaité du mal à ses ennemis, si sa cabane, sa famille, sa tribu, son pays, les Manitou, les génies, n'avaient point eu à se plaindre d'elle. Les yeux levés vers le séjour du père nourricier des hommes, elle montrait au ciel son sein desséché, réclamant sa fécondité première, se plaignant d'une rigueur non méritée. Tout à coup, Amélie, déposée sur l'herbe, pousse un gémissement. Elle sollicite le festin accoutumé. Ses mains suppliantes se tournent vers sa mère. Le désespoir s'empare de la sœur d'Outougamise. Elle prend son enfant dans ses bras, le presse sur son sein avec des sanglots. Que ne pouvait-elle l'abreuver de ses larmes? Du moins, cette source était inépuisable. Une inspiration funeste fait battre le cœur de la femme délaissée. Tchelouta se dit que le lait maternel n'était que le sang de son époux, que c'était Renée qui retirait à lui cette source de vie. Mais ne pouvait-elle pas elle-même s'ouvrir une veine et remplacer par son propre sang le sang qui se refusait aux lèvres de sa fille? Peut-être aurait-elle pris quelque résolution extrême si ses regards n'avaient aperçu des fumées qui montaient des deux côtés du Mechasebe et qui annonçaient l'habitation de l'homme. Cette vue rendit des forces à Tchelouta. L'Indienne n'était pas d'ailleurs tout à fait déterminée à mourir, car son époux vivait et vivait infortuné. Elle descendit donc du promontoire, portant le cher et funeste gage de son amour, mais le fleuve était plus éloigné qu'il ne lui avait paru, et lorsqu'elle arriva sur ses bords, la nuit enveloppait le ciel. La fumée des cabanes s'était perdue dans les ombres. La lune, en se levant, versa sur les flots du Mechasebe moins de lumière que de mélancolie et de silence. Tchelouta cherchait des yeux quelques nacelles, ses regards suivaient dans leur succession rapide les lames passagères qui tour à tour élevaient leur sommet brillant vers l'astre de la nuit. Elle aperçut un objet flottant. Bientôt, elle vit sortir du fleuve, à quelques pas d'elle, un jeune nègre, presque entièrement nu. Une pagne lui saignait les reins à la mode de son pays, et sa tête était ornée d'une couronne de plumes rouges. Il chantait à demi-voix quelque chose de doux dans sa langue. Il étendait les bras vers les eaux et semblait adresser à un objet invisible des paroles passionnées. Tchelouta reconnut Imlay, qui la reconnut à son tour. Il s'approcha d'elle en s'écriant « Tchelouta, oh redoutable Nyang !» Dieu du mal, l'Ahriman des nègres, note de l'auteur. « Tchelouta, ici !» Tchelouta répondit « Je viens de la ville des pleurs. La biche des Natchez va perdre son fang que voilà, car son sein est tari. » Alors Imlay, la biche des Natchez ne perdra point son fang. Nous trouverons une mère pour le nourrir. Tchelouta est belle comme une fétiche bienfaisante. « Comment Imlay est-il dans ce lieu ?» dit Tchelouta. « Mon ancien maître, répondit Imlay, après m'avoir battu, parce que j'aimais ma liberté, m'a vendu à l'habitant des cases voisines. Venez avec moi, je vous donnerai du maïs et une femme noire de mes bois pour allaiter l'enfant rouge de vos forêts. Les blancs ne sauront rien de tout cela. » Tchelouta se mit à suivre son guide. « Et tu es toujours infortuné, pauvre Tchelouta, disait en marchant l'Africain. Et moi aussi, je suis bien malheureux le jour. Mais la nuit ?» Imlay posa un doigt sur sa bouche en signe de mystère. « Et la nuit, tu es moins à plaindre, » dit Tchelouta. « Moi, je pleure toujours. » « Tchelouta, » reprit Imlay, « si tu savais, elle est belle comme le palmier des sables. Quand elle dit au sourire de venir visiter ses lèvres, ses dents ressemblent aux perles de la rosée dans les feuilles rouges du bétel. » L'enfant de Cham arrêtant tout à coup Tchelouta et lui montrant le fleuve. « Vois-tu la cime argentée de ses copalmes, là-bas, sur les eaux ? Vois-tu tout auprès les ombres de ces hêtres pourpres, presque aussi belles que celles du front de ma maîtresse ? Vois-tu les deux colonnes de ces papayas, entre lesquelles apparaît la face de la lune, comme la tête de mon Nizéphar, entre ses deux bras levés pour me caresser ? Eh bien, ce sont les arbres du Nil, île de l'amour, île d'Iséphar. Les ondes ne cesseront de baigner tes rivages, les oiseaux d'enchanter tes bois, et les brises d'y soupirer la volupté. C'est là, Tchelouta, elle habite sur l'autre bord du Mechasebe. Moi, j'ai ma case sur cette rive. Chaque nuit, elle traverse à la nage le bras du fleuve pour se rendre dans l'île. Son Imlay s'y trouve toujours le premier. Je reçois Iséfa au moment où elle sort de l'onde. Je la cache dans mon sein, je lui sers d'abri et de vêtements. Nos baisers sont plus lents que ceux des brises qui caressent les fleurs de l'aloès au déclin du jour. Deux beaux serpents noirs s'entrelacent moins étroitement. Nous sommeillons au bord du fleuve en disputant de paresse avec ses ondes. Souvent aussi, nous parlons de la patrie. Nous chantons Nyang Zanhar, Dieu du bien, note de l'auteur, et les amours des lions. Je reprends toutes les nuits la parure que tu me vois et que je portais quand j'étais libre sous les bananiers de Maninga. J'agite la force de ma main dans les airs. Il me semble que je lance encore la zagaye contre le tigre, ou que j'enfonce dans la gueule de la panthère mon bras entouré d'une écorce. Ces souvenirs remplissent mes yeux de larmes plus douces que celles du benjoin ou que la fumée de la pipe chargée d'encens. Alors, je crois boire avec Iséfa le lait du coco sous l'arcade de figuier. Je m'imagine errer avec ma gazelle à travers les forêts de girofliers, d'acajou et de sandales. Que tu es belle, ô mon Iséfa, tu rends délicieux tout ce qui touche à tes charmes. Je voudrais dévorer les feuilles de ton lit, car ta couche est divine. Ô fille de la nuit, divine comme le nid des hirondelles africaines, comme ce nid qu'on sert à la table de nos rois et que composent avec des débris de fleurs les aromates les plus précieux. Ainsi disait Imlay. Il baisait l'air en feu autour de lui et chargeait les terres brûlants d'aller trouver les lèvres de la femme aimée par la route impatiente des désirs. La petite Amélie vint alors à jeter un cri. Imlay imposa ses deux mains sur la tête de la mère et dit « Vous êtes la femme des tribulations ». À quoi Tchiluta répondit « Je prie le grand esprit, Kizéphar et des entrailles plus heureuses que les miennes. Enfant des peuples de Caïn, vous répliquâtes avec une grande vivacité « J'aime Kizéphar comme une perle, mais son sein ne portera jamais un esclave. L'éléphant m'a enseigné sa sagesse. » En conversant de la sorte, l'épouse de René et son guide étaient arrivées aux cases des nègres de l'habitation. Les toits écrasés de ces cases se montraient entre de hauts tournesols. Imlay et Tchéluta traversèrent des carrés d'igname et de patates que l'esclave africain cultive dans ses courts moments de loisir, pour sa subsistance et pour celle de sa famille. Un calme profond régnait dans ces lieux. Sur cette terre étrangère, dans la couche de la servitude, le sommeil berçait ces exilés des illusions de la liberté et de la patrie. Imlay dit à voix basse à Tchéluta « Ils dorment, mes frères noirs, les insensés. Ils prennent des forces afin de travailler pour un maître. Moi !» L'Américaine et l'Africain entrèrent dans une case dont Imlay poussa doucement la porte. Il se dépouilla de sa pagne qu'il cacha sous des chaumes. « Car, disait-il, nos maîtres prétendent que l'habit de mon pays est une fétiche qui leur portera malheur. » Il reprit l'habit de l'esclave et réveilla une femme. Cette femme descend de son hamac de coton bleu, souffle des charbons assoupis en jetant dans le foyer des cannes de sucre desséchées. Une grande flamme éclaire subitement l'intérieur de la case. Tchéluta reconnaît la négresse, Glazirne. Glazirne demeure immobile d'étonnement. Les deux femmes se prennent à pleurer. « Bonne mère des pays lointains, dit Tchéluta, votre petite fille indienne est prête à mourir. Mon sein s'est fermé. J'espère que le vôtre est resté ouvert à votre fils. » Glazirne répondit « Je croyais ne plus vous revoir. Mon maître, Onatchez, m'a vendu avec Imlay, parce que j'avais eu trop de pitié de vous chez le bon blanc d'Artaguet. Mon maître n'aimait point la pitié. Voilà ma joie, dans son berceau. » Glazirne découvrit un berceau caché sous une natte, prit son nourrisson, le mit à l'une de ses mamelles, suspendit à l'autre l'enfant de Tchéluta et s'assit à terre. Quand l'épouse de René vit cette pauvre esclave presser sur son sein les deux petites créatures, si étrangères par leur pays, si différentes par leur race, si ressemblantes par leur misère, quand elle la vit les nourrir en leur prodiguant ces petits chants, ce langage maternel, le même en tout climat, elle adressa au ciel la prière de la reconnaissance. Elle regardait les deux enfants. Comparant la faiblesse de sa fille à la force du fils de Glazirne, elle dit, avec un mélange de joie, de douleur et d'une tendre jalousie, « Femme noire, que ton fils est grand et fort, il est pourtant de l'âge de ma fille. »« Femme rouge, dit Glazirne en se levant, j'ai commencé par ta fille. Prends maintenant pour toi ces ignames et bois ce suc d'une plante de mon pays qui te rendra la fécondité. Mais hâte-toi de t'éloigner, le jour va naître. Mon nouveau maître est les femmes indiennes. Ne reviens plus aux cases. Cache-toi dans la forêt. Imlay te conduira à un lieu secret connu de nous autres esclaves. Au milieu du jour, je t'irai porter la pâture et au milieu de la nuit, pleurer avec toi. Mon cœur n'est point fait de l'acier des blancs. Je ne suis point né sans père ni sans mère, quoique ma mère m'ait vendu pour un collier. » Glazirne remplit une coupe de bois de citronnier d'une liqueur particulière et la présenta à la voyageuse, comme la Madianite offrait un vase d'eau à l'étranger au bord du puits du chameau. Tchéluta vida la coupe et sortit avec Imlay qui la conduisit au lieu désigné. À l'heure où les cigales, vaincues par l'ardeur du soleil, cessent leur chant, Tchéluta entendit un cri. C'était celui que les nègres poussent dans le désert pour écarter les serpents et les tigres. Elle découvrit Glazirne qui regardait s'il n'y avait point de blanc alentour. La négresse, se glissant dans le bois, déposa quelque chose au pied d'un arbre et se retira. Tchéluta, s'avançant à son tour, enleva la cale basse déposée. Il y avait du lait pour la fille, des fruits et des gâteaux pour la mère. Ce commerce clandestin de l'infortune et de la misère se faisait à la porte du riche et de l'heureux. Les ombres revinrent sur la terre. Tchéluta ouït vers le milieu de la nuit un bruissement léger. Elle étendit la main dans les ténèbres et rencontra bientôt celle de Glazirne. Le bonheur repousse le bonheur, mais les larmes appellent les larmes. Elles viennent se mêler dans les cœurs des infortunés comme des eaux sympathiques qui se cherchent à travers les feuilles d'un livre mystérieux et qui y font paraître, en se confondant, des caractères disposés d'avance par l'amour. La négresse apportait avec elle son fils. Elle mit l'hostie pacifique entre les bras de l'Indienne qui sentit ce compliment à la façon de la nature. Les deux femmes s'assirent ensuite sous un térébinthe dans une clairière. Elles parlèrent de leur frère d'Artaguette, que l'une avait sauvé, que l'autre avait ramené blessé au camp des Français. Glazyrn prononça des paroles magiques de son pays sur la fille de Tchelouta, sur ce vaisseau à peine ébauché que la flamme avait à demi dévoré dans le chantier de la vie. Puis la négresse ouvrit le haut de sa tunique d'esclave dans laquelle elle tenait cachée une colombe. Elle rendit la liberté à l'oiseau blanc, qui, plein de frayeur, allongeait le cou hors du sein de l'Africaine. Cet emblème d'une âme pure qui s'envole vers les cieux, échappée des prisons de la vie, rappelait en même temps l'idée de la liberté que Glazyrn avait perdue. « Est-ce que tu crois que ma fille va mourir ?» dit Tchelouta, « puisque la colombe s'est envolée ?»« Non, » dit Glazyrn, « la colombe a porté au redoutable Nyang les paroles que j'ai murmurées tout bas pour guérir ta fille. » « Fais à la mode de ton pays, » repartit l'Indienne. « Je m'y accoutumerai mieux qu'à la mode du pays des Blancs. » Glazyrn déroula une feuille de roseau dans laquelle elle avait enveloppé un coquillage de l'océan africain. Elle adressa à cette fétiche des reproches et des prières. Tchelouta porte à ses lèvres ce Manitou du malheur. « Religion des infortunés, vous êtes partout la même. Les chagrins ont une source commune. Cette source est le cœur de l'homme. » Ces femmes sauvages, si remplies des merveilles de Dieu, voulurent endormir leurs enfants. Elles les placèrent sur des peaux moelleuses, l'un auprès de l'autre, dans les festons d'une liane fleurie qui descendait des branches d'un vieux liquidambar. Le fils de Glazyrn, tout nu et obscur comme l'ébène, la fille de Tchelouta, parée d'un collier et éclatante comme l'ivoire. Ensuite, elles agitèrent doucement le berceau suspendu. Tchelouta chantait, et la nature lui inspirait à la fois l'air et les paroles de son hymne au sommeil. « Enfants, plus heureux que vos mères, que votre sommeil soit également paisible et sans songe, n'êtes-vous point sur cette branche de fleurs les deux génies de la nuit et de la lumière? Vous êtes blanc et noir, comme ces jumeaux célestes. L'un porte la chevelure dorée du matin, l'autre couvre son front du léger crêpe du soir. Charmantes non pareilles, reposez ensemble dans ce nid, soyez plus heureux que vos mères. » Les accents de la voix de Tchelouta étaient pleins de mélodie. Ils sortaient de son âme, et son âme était comme une lyre sous la main des anges. Sollicitée au repos par le ralentissement graduel du mouvement de la branche, le couple innocent s'endormit. Les mères confièrent à la brise le soin de balancer encore leur gracieux nourrisson. Mais le Maokavis commençait à chanter le réveil de l'aurore. Les deux amies songèrent à se séparer. Avant de quitter ce lieu, elles amassèrent quelques pierres pour en faire une marque au ciel futur, et les appelèrent chacune dans sa langue l'autel des femmes affligées. L'Africaine promit de revenir, cependant l'Indienne en vain espéra de revoir sa compagne. Sa compagne ne reparut plus. Une fois seulement, Tchelouta crut avoir entendu dans le lointain la voix de Glazyrn. Il arrive que les vents de l'automne jettent le soir, sur nos bords, un oiseau de l'autre hémisphère. Nous comptons retrouver au matin l'hôte de la tempête, mais il est déjà remonté sur le tourbillon, et son cri, du milieu des nuages, nous apporte son dernier adieu. Après deux jours d'attente, Tchelouta se résolut à poursuivre sa route. Il lui tardait de revoir ses amis. Elle part. Elle franchit des ruisseaux sur des branches entrelacées, légers ponts que les sauvages jettent en passant. Elle traverse des marais en sautant d'une racine à une autre racine. Elle se cache quelquefois auprès d'une habitation où des blancs prennent leur repas dans le champ par eux labouré. Lorsqu'ils se sont retirés, elle accourt avec une nuée de petits oiseaux qui guettaient comme elle les miettes tombées de la table de l'homme. Après une marche longue et pénible, elle entre dans ses forêts natales et arrive enfin aux Natchez. Le premier Indien qu'elle aperçoit, c'est Ondouré. Le bourreau a reconnu la victime. Il s'avance vers elle et, d'une voix adoucie, il la félicite de son retour. « Où est René ?» dit Tchelouta. « Chef cruel, te devais-je rencontrer le premier ?»« Ton mari, » répondit Ondouré, avec une modération de langage que ses regards démentaient, Ton mari est allé, par ordre des Sachem, chanter le calumet de paix aux Illinois. Quand on s'est attendu à quelque malheur, tout ce qui n'est pas ce malheur semble un bien. Il vit, s'écrie Tchelouta, et elle se sent soulagée. Les sauvages environnent bientôt la nièce d'Adario. Mila et Outougamise fendent la foule et se précipitent dans le sein de leur sœur. « Je suis la femme de ton frère, » s'écrie Mila, sanglotant de joie, « mais je suis toujours ta petite fille. » « Tu es la femme de mon frère, » dit Tchelouta, avec un mouvement de plaisir dont elle ne se rendit pas compte. « Aime-le et partage ses peines. »« Oh, » dit Mila, « j'ai déjà plus pleuré pour lui dans quelques jours que je n'ai pleuré pour moi dans toute ma vie. » La voyageuse, conduite à sa cabane, la trouva dévastée, telle que René l'avait trouvée lui-même à son retour. Tchelouta jeta un regard triste sur la vallée, sur la rivière, sur le sentier de la colline à demi caché dans l'herbe, sur tous ces objets où son œil découvrait des traces de la fuite du temps. La cabane fut promptement rétablie dans son premier ordre par Outougamise et par Mila. Ils y vinrent demeurer avec leur sœur. Cependant, le couple ingénu n'osa raconter à Tchelouta, déjà trop éprouvé, ce qui s'était passé au Natchez pendant son absence. Il n'osa lui dire les malheurs d'Adario, les calomnies dont René était la victime, les vertueuses inquiétudes d'Outougamise. La fille de Tabamika voyait qu'on lui cachait quelque chose. Tout lui paraissait extraordinaire. L'éloignement de Chactas et de René, l'établissement des Français sur le champ des Indiens, l'affectation des Indiens qui murmuraient des paroles de paix du même air qu'ils auraient entonné l'hymne de guerre. Adario n'était point venu voir sa nièce. Où était-il ? Tchelouta résolut d'aller trouver son oncle, de lui demander l'explication de ces mystères et de s'éclaircir du sort de René. Enveloppée d'un voile, elle sort de sa cabane lorsque les étoiles, déjà chassées de l'Orient par le crépuscule, semblaient s'être réfugiées dans la partie occidentale du ciel. Elle glisse le long des prairies comme ces vapeurs matinales qui suivent le cours des ruisseaux. Elle arrive au grand village, cherche la cabane d'Adario et ne trouve qu'un amas de cendres. Un chasseur vient à passer. « Chasseur, » lui dit Tchelouta, « où est maintenant la demeure d'Adario ?» Le chasseur lui montre un bois avec son arc et continue sa route. La sœur d'Outougamise s'avance vers le bois. Elle aperçoit à l'entrée la fille d'Adario, sentinelle vigilante, qui observait de loin les mouvements de son père. Le sachem errait lentement entre les arbres comme un de ces spectres de la nuit qui se retirent au lever du jour. Sa tête chauve et ses membres dépouillés étaient humides de rosée. Sa hache, si terrible dans les combats, reposant sur une de ses épaules nues, près de son oreille, semblait lui conseiller la vengeance. Tchelouta ne se sentait pas la hardiesse d'aborder le sachem. Elle l'entendit pousser de profonds soupirs. Le vieillard tourne tout à coup la tête et s'écrie d'une voix menaçante « Qui suis mes pas ?»« C'est moi, » répond doucement Tchelouta. « C'est toi, ma nièce ? Ne me présente pas à ton enfant. Mes mains sont dévorantes. » « Je n'ai point apporté ma fille, » reprend l'épouse de René, qui déjà embrasse les genoux du sachem. « Et ma cousine ?» ajoute Tchelouta d'une voix suppliante. « Ta cousine ?» dit Adario. « Où est-elle ? Qu'elle vienne ! Elle n'a plus rien à craindre de mes embrassements. » La fille d'Adario, assise à l'écart sur une pierre, regardait de loin cette scène avec un mélange de terreur et d'envie. Elle accourt au signe que lui fait Tchelouta. Pour la première fois depuis le retour du fort Rosalie, elle se sent pressée sur le cœur paternel par la main qui lui a ravi son fils. Adario, surmontant de la tête ses deux femmes et les serrant contre sa poitrine avec son bras armé de la hache, ressemblait à un bûcheron qui va couper deux arbustes chargés de fleurs. Le sachem se dégageant des caresses de ses femmes, « Il n'est pas temps de pleurer comme un cerf, c'est du sang qu'il nous faut. » Montrant d'une main la terre à Tchelouta et de l'autre la voûte des arbres, « Voilà, lui dit-il, le lit et le toit que les étrangers m'ont laissé. « Est-ce eux qui ont incendié ta cabane ?» dit Tchelouta. « Tes enfants t'en pourront bâtir une autre. » Les lèvres d'Adario tremblèrent, son regard parut égaré, il saisit sa nièce par la main. « Mes enfants, dis-tu, mes enfants, ils sont libres, ils ne rebâtiront point ma hutte dans la terre de l'esclavage. » Adario rejeta avec violence la main de Tchelouta. La fille du sachem cachait dans ses cheveux son visage baigné de larmes. Tchelouta s'aperçut alors que sa cousine ne portait point son fils. Elle eut un affreux soupçon de la vérité. L'épouse de René crut devoir calmer ses douleurs dont elle ne connaissait pas encore la source par quelques paroles d'amour. Sachem, dit-elle, tu es un rempart pour les Natchez, et j'espère que mon mari reviendra bientôt chargé de colliers pacifiques. N'appelle pas ton mari, dit le vieillard, l'infâme que la colère d'Atahensic a vomi sur ses rivages. Si tu conserves encore quelque attachement pour lui, ôte-toi de devant mes yeux. Que le roc qui me sert de couche ne soit pas souillé de l'empreinte de tes pas. Ah ! S'écrie Chelluta, voici le commencement des mystères dont j'étais venu demander l'explication. Eh bien, Adario, qu'a donc fait René ? Parle, je t'écoute. Adario s'appuie contre un chêne et répète à Chelluta la longue série des calomnies inventées par Ondouré. À ce discours, qui aurait dû foudroyer l'Indienne, vous l'eussiez vu prendre un air serein, une contenance hardie. « Je respire, dit-elle, cher et malheureux époux, si je t'avais jamais soupçonné, maintenant tu serais pur à mes yeux comme la rosée du ciel. Que le monde entier te déclare coupable, je te proclame innocent. Que l'univers te déteste, j'aurai le bonheur de t'aimer sans rival. Moi, t'abandonner lorsque tu es calomnié, persécuté. » Les grandes âmes s'entendent. Adario admira sa nièce. « Tu es de mon sang, dit-il, et c'est pour cela que l'amour de la patrie triomphera dans ton cœur de l'amour d'un homme. Que peux-tu opposer à ce que je t'ai raconté ?»« Ce que j'y oppose, répliqua vivement Chelluta, le malheur de René. Mon mari coupable, il ne l'est point. Tu en as trop dit, Adario, pour me convaincre. N'as-tu pas été jusqu'à me parler de Mila ? C'est à moi d'avoir affaire avec mon cœur, de dévorer mes peines si j'en ai. » Mais chercher à me faire croire à des trahisons envers les Natchez par le ressentiment d'une infidélité qui ne regarderait que moi. Sachem, je rougis pour ta vertu. J'ignorais que ton grand cœur fût si sensible à un chagrin de femme. La fureur d'Adario s'allume. Il ne voit dans ce dévouement de l'amour conjugal que la faiblesse d'un esprit fasciné par la passion. Blessé des paroles de Chelluta, il s'écrie « Tremble, misérable servante d'un blanc !» Tremble qu'un indigne amour te fasse hésiter sur tes devoirs. Apprends que si ton sang était demandé par la patrie, cette main qui a étouffé mon fils te saurait bien retrouver. » Adario, s'arrachant du chêne contre lequel il est appuyé, va chercher la caverne des ours pour y fuir la vue des hommes, aussi insensible au mal qu'il a fait que le poignard qui ne sent pas les palpitations du cœur qu'il a percé. Le coup a pénétré jusqu'aux sources de la vie. La victime s'est débattue contre le trait au moment où ce trait l'a frappé. Mais à la blessure refroidie s'attache une douleur cuisante. Chelluta ne croit point au crime de René, mais il suffit qu'on accuse celui qu'elle aime pour qu'elle soit navrée de douleur. Elle ne croit pas à l'inconstance de son époux. Elle ne supposera jamais René capable d'avoir donné pour femme sa maîtresse à son amie. Mais que font la raison, l'élévation des sentiments, la générosité du caractère, contre ces vagues soupçons qui traversent le cœur? On s'en défend, on les repousse, vaines tentatives, ils renaissent comme ces songes qui se reproduisent dans le cours d'un pénible sommeil. Chelluta regagne à pas tremblant sa cabane, elle y trouve ses aimables hôtes. « Mon frère, dit-elle en entrant, je sais tout, on trame quelque complot, sauvons ton ami. » « C'est parler, cela, dit Mila, en avançant d'un air courageux son joli visage. Ce n'est pas comme toi, Outougamise, qui est triste comme un chevreuil blessé. Sauvons René, c'est ce que je disais tantôt. » Les deux sœurs et le frère s'assirent ensemble sur la même natte, approchèrent leurs trois têtes et se mirent à examiner comment ils pourraient sauver René. Les conspirations des bons ne sont pas comme celles des méchants. On nuit facilement, on répare avec peine. Le fond du secret était ignoré de la femme, de l'ami et de l'ami de René. Il ne pouvait donc apporter de remède à un mal dont la nature leur était inconnue. Mila ne savait autre chose que de tuer Ondouré. Elle soutenait par son caractère résolu le frère et la sœur, dont les âmes, disait-elle, étaient aussi pesantes que le vol d'un aigle blanc. Les Sachem, ajoutait Mila, ont plus de sagesse que nous, mais ils n'aiment point. Opposons nos cœurs à leur tête. Et nous saurons bien comment agir quand le moment sera venu. Fin de la section 16.